Un gros changement à venir sur WhatsApp. Publié par Geeko, le soir. Sur WhatsApp, les utilisateurs ne pourront bientôt plus récupérer les numéros de téléphone de parfaits inconnus sans leur consentement. Selon le site Wabeta Info, un site de niche spécialisé dans la publication de tous les changements sur les bêtas de WhatsApp, Meta serait en train de complètement repenser sa notion de vie privée sur WhatsApp. Dans le but de protéger les utilisateurs, l'entreprise entendrait ne plus afficher leur numéro de téléphone dans les groupes et conversations. Dans la pratique, cela permettrait de réduire les risques de harcèlement sur l'application de discussion. De nombreux utilisateurs s'emparent en effet des numéros d'inconnus et les contactent ensuite séparément. Ces derniers mois, un petit panel d'utilisateurs ont essayé une nouvelle version de la messagerie, qui intègre cette nouveauté. Dans leur version de WhatsApp, le numéro de téléphone des utilisateurs ne s'affiche plus dans les discussions de groupe. Au contraire, si l'on désire partager ses coordonnées, il faut soi-même le décider en sélectionnant l'option « Partage de coordonnées » dans les paramètres de la conversation. Selon le site, l'intensité des tests a récemment augmenté, ce qui laisse présager un déploiement sur tous les terminaux dans les prochaines semaines.